cosmique. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale sur les 25 ans de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Nous sommes en direct ce soir à la salle Roland-Desroches au 63 rue Maine à Penetanguishene. Au cours de cette émission-là, bien, vous allez entendre des témoignages, qui démontreront l'évolution de la musique franco-canadienne ainsi que de très bons souvenirs, de très belles chansons. De la station qui me donne un gros coup de main ce soir pour cette émission-là. On tient à remercier aussi André Sanche de Ciboulette et compagnie. Donc aujourd'hui, bien sûr, cette émission-là fête les 25 ans de Canrock. Jamais j'aurais pensé, il y a 25 ans, quand j'ai accepté l'invitation de participer à un show de cassette à CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. C'est en octobre 1994, moi qui arrivais de la télévision francophone de Rogers. Eh bien, jamais j'aurais pensé à connaître une si belle aventure. Merci à mes collègues de l'époque, bien sûr, à Anne-Marie Boivin et Claude Cardinal. On va y aller avec une première chanson souvenir. Voici « Je mourrai pas », Pierre Rodier. Sur la table. Oui, oui, un show de cassette, c'est comme ça que ça a commencé. Wow, on remonte à loin, à l'époque où on faisait tourner la musique d'artistes de la région d'Ottawa Hall. Du côté de Québécois, Québécois et Ontariens, parce qu'on se mélange souvent du côté de la rivière des Outaouais, il y avait les Hardy Moussaillon, il y avait Kif Kif, il y avait Spiral Jones, Luc Grandmaison, Guy Perrault. Du côté d'Ottawa, il est José Lajoie, deux saisons, Pierre Audier, qu'on vient l'entendre. Donc, moi, je venais de la télévision de Rogers, comme je vous disais, la télévision francophone, le canal 23. Et, j'ai été approché pour participer à l'univers de Canrock et ça fut un méchant buzz. La vie a fait que, j'ai continué en janvier. Je me suis retrouvé tout seul à faire cette émission-là. J'ai donc demandé à la directrice de programmation de l'époque, la directrice de programmation francophone à CHEO, si je pouvais continuer pour un mois, parce que moi, je venais découvrir un beau petit bijou, un beau jouet, quelque chose d'intéressant, un monde particulier. Eh bien, dans l'affirmation, il est venu la pression aussi de faire progresser cette émission-là rapidement. Donc, la recherche de partenaires, le moyen d'expansion. Ça fut un travail ardu au début et il y avait un processus à long terme. Mais je crois qu'avec passion pour la musique, j'ai réussi. Toujours chroniqueur à la télévision de Rogers à Ottawa, j'ai eu l'écho de l'APCM. Et puis, l'Association des professionnels de la chanson de la musique de l'Ontario a été un partenaire important. Une clé importante de l'évolution de Canrock, cette organisation, APCM. Et puis, je vais en discuter avec un membre fondateur dans quelques instants, Robert Paquette. Mais juste avant, je vous parlais de Kif Kif. Voici un autre beau souvenir qui s'appelle tout simplement Salut Man. Voici Kif Kif. Salut man, salut man, salut man, salut man, salut. Bonsoir tout le monde, vous êtes de retour à Canrock 25 ans. On est en direct de la salle Roland-Desroches ici à Penetanguishene. Et tantôt, je vous parlais de l'APCM. Eh bien, j'ai un artiste avec moi de l'APCM, un membre fondateur, Robert Paquette, bonjour. Oui, mais là, je ne sais pas quoi dire. C'est soit « salut man, comment ça va? » Ou bien c'est « félicitations pour les 25 ans de carrière et de métier. » Je suis très content d'être là pour fêter ça avec toi. Oui, ben, je peux te chanter « Bonne fête, ouais. Cher Marc. » Oui, surtout que je viens de fêter mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, la PCM, c'est un partenaire presque naturel pour moi, pour l'émission. Et ça s'est créé, ça n'a pas très longtemps avant que je commence. Donc, quel fut le besoin ou comment s'est fondée la PCM? Pour quelles raisons? Oui, c'est un peu bizarre. C'est une des premières fois, je ne me souviens plus exactement à quelle date, mais je pense que c'est 1988 ou 89. Il n'y avait pas de contact ontarois francophone. C'était juste contact en anglais. Et de temps en temps, il y avait quelques artistes qui venaient du Québec présenter des spectacles. Et je donnais un spectacle cette année-là à contact, autant en français qu'en anglais, et pour vendre de la musique francophone, mais pour des festivals et des choses comme ça. Puis, ils m'ont demandé de faire des ateliers. Alors, je faisais un atelier sur la musique franco-ontarienne, et sur l'écriture et plein d'autres choses. Puis un peu l'industrie, le métier. Et il y avait Neil Lefebvre qui était là. Il y avait Alain Grouette qui était là, du groupe Purlaine, avec Paul Demers. Il y avait Michel, qui était d'ici, Michel. Paiement, qui était là aussi. Puis une couple d'autres. Et donc, on se demandait comment se fait qu'eux autres, il n'y avait pas de vitrine. Moi, je jouais, mais je suis engagé. Mais alors, on s'est dit, écoute, on va faire une petite révolution. Puis on va faire un spectacle qui s'appelle « Les illustres inconnus ». On va l'imposer à Contact Ontario. Et donc, ça a bien marché. Donc, les gens étaient très contents d'avoir plus de francophones qu'ils n'auraient pas eu. Et les francophones et les anglais. Puis en même temps, Jean Malavoie était là. Et Jean, il était au Conseil des arts de l'Ontario. Puis il est venu nous dire, écoutez, on n'a pas de structure, on n'a pas d'organisme pour la musique en Ontario français. Il y en a pour le théâtre, il y en a pour les auteurs, l'écriture, etc. Mais il n'y a rien en musique. Vous devriez commencer un organisme qui est provincial pour les chanteurs, les auteurs-compositeurs. Et dit, si vous faites ça, je vais vous donner un chèque de 15 000 $. Vous allez être capable de vous structurer et de créer, de fonder l'APCM. Et la fondation s'est passée le 5 mars en 1990, comme telle. À North Bay, et je pense qu'il y avait pas mal de monde qui était là aussi. Chuck Labelle était là, les deux frères Lamoureux étaient là, évidemment Paul Demers, moi-même et plein d'autres. Et donc, on a fondé l'APCM. Et le premier président, mais écoute, c'était Paul Demers qui a levé la main, qui a bien voulu s'engager politiquement. Et moi, je trouvais que j'ai laissé la place à la jeunesse. Moi, j'ai été vice-président pendant les premiers 15 ans. Je me suis dit que tout marche bien. Mais, comme on dit, un peu dans l'ombre en arrière, mais j'étais content parce que ça prend de la relève. On a eu plusieurs très bons présidents. Pierre Lamoureux a été président. Éric Dubois a été président. Il y a Serge Monette qui a été à la présidence. Diane Marleau qui a été là. Claude Bouchard n'était pas président. Claude a été directeur général, comme Richard de Grandmont a été général. Jean Malavoie a pris la direction générale. Laurent de Combruge a fait un énorme pas pour l'APCM. Donc, on s'est mis ensemble en disant qu'on a besoin d'un organisme qui nous représente politiquement, puis socialement. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en Ontario? Et comme de fait, les gens, c'était d'avoir une compagnie disque ou une distribution. On est capable de distribuer les disques qu'on faisait. Il n'y avait personne qui les distribuait. Il fallait aller individuellement dans les magasins de disques et voulez-vous prendre le disque, etc. Et donc, la PCM a commencé par créer un label. Donc, une étiquette. Et ensuite, ils ont décidé de faire... excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Ils ont décidé de faire la distribution à PCM, qui a duré pendant... Bien, elle dure encore, d'ailleurs. Ouais. Là, il y a moins de disques qui se vendent, mais c'était important. Il y a, avec ça aussi, il y avait du tracking de radio qui s'est fait aussi, les gens, pour qu'on puisse savoir. Tracking radio pour les gens qui nous écoutent, c'est quand un album sort, une chanson sort, les gens appellent les postes de radio, est-ce que ça vous intéresse de jouer cette chanson-là? Est-ce qu'elle tourne chez vous, etc.? Oui, et en général, une fois que ça se passe, les gens connaissent la chanson, connaissent l'artiste, et ils vont venir en spectacle. Donc, pour la PCM, c'était vraiment important, et aussi le fait que les auteurs, les compositeurs, les interprètes, tout le monde ensemble, et les gens autour de l'industrie, parce que toi, tu es membre de la PCM aussi, on a décidé d'ouvrir ça à tous ceux qui aiment la musique et pouvaient faire progresser la musique franco-ontarienne en Ontario. Et ça a marché vraiment bien. La deuxième grosse étape, c'était la reconnaissance de ça, de se donner des prix. Ça a pris au moins 4 ou 5 tentatives pour faire le premier Trior. On a essayé, on n'avait pas les finances, on n'avait pas la visibilité, etc. Mais finalement, quand Radio-Canada est embarqué, etc., et Laurent de Combruge est celui, directeur général, qui a fait que ça a eu lieu. Tout d'un coup, là, visuellement, on avait comme un peu, c'est un peu l'équivalent de la disque, mais franco-ontarien. Donc, les triors qui marchent très, très bien et donc qui reconnaissent la valeur intrinsèque des chansons, des artistes et des artisans dans plein de catégories, dans plein de sortes de... Et on a ouvert plusieurs années plus tard à l'Ouest canadien. Parce qu'il faut savoir que Musique Action, qui est un organisme pan-canadien, qui donne l'argent pour l'enregistrement de disques et pour la distribution comme telle, une partie, certainement pour la promotion et faire la tournée, n'avait pas d'antenne où ils pouvaient donner... parce que ça pourrait être capable d'avoir l'argent de Musique Action, les Québécois avaient ça, parce que ça prenait de signer un contrat de distribution reconnu, un distributeur reconnu officiellement. Et la plupart du temps, les anglophones avaient des distributeurs. Au Canada français, il y avait tout ce qui était au Québec. Donc, quelqu'un qui voulait se faire avoir une subvention de Musique Action pour l'aider dans l'enregistrement de ses chansons et de son album, devait aller là-bas, trouver quelqu'un au Québec qui dirait « Oui, oui, OK, je te connais. On va signer ton disque quand il sort. On va le faire tourner. On va le distribuer. » C'était vraiment très compliqué, très complexe. Alors, finalement, avec Distribution APCM, qui a été reconnu comme un distributeur officiel pour l'Ontario et pour l'Ouest canadien, par Musique Action, les artistes pouvaient dorénavant aller juste à Ottawa ou se demander à l'APCM « Voici mon album. » Là, ça passait au jury, un comité. Puis si c'était bon, on disait « Oui, OK, on va le distribuer. » Et à ce moment-là, ils pouvaient avoir des subventions qui venaient de Musique Action. Ouais. Ce qui a aidé énormément d'artistes pour démarrer au moins dans leur carrière. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gérants, il n'y a pas beaucoup de compagnies de disques qui signaient des artistes en Ontario ou dans l'Ouest canadien. Et à comparer à 1990... aujourd'hui, il y a vraiment une industrie franco-ontarienne, beaucoup d'artistes franco-ontariens qui se développent et qui prennent de la place. Donc, on a eu des gérants. On en parlait avant, toi et moi. C'est difficile comme vie, comme gérant, parce qu'il prend un pourcentage de ce que l'artiste fait. Et quand l'artiste est en situation minoritaire, et il n'y a pas déjà beaucoup, un énorme public où son marché était quand même assez limité, Le gérant a de la misère à gagner sa vie, à moins d'en prendre 3 ou 4, etc., que ça marche bien. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives de gérance. Il y en a encore en Ontario français. Il y en a une couple dans l'Ouest. Il y en a une couple en Acadie, mais c'est des métiers difficiles. Mais la PCM s'en tire bien, encourage ces gens-là de se structurer. Il y a des maisons d'édition maintenant en Ontario qui n'avaient pas nécessairement avant. Des maisons d'édition spécifiquement pour la chanson, pas nécessairement pour la poésie ni pour la littérature. Et ce sont tous des éléments du métier d'auteur, compositeur, interprète, dont on a besoin, des outils qu'on a besoin, on commence à en avoir un peu plus. Mais il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs, de bandes, de musiciens qui gagnent leur vie en Ontario français. Mais pour moi, ça, c'est énorme comme progrès depuis 1990. Oui, bien, merci bien pour ce portrait-là. Je vais te laisser aller t'installer. M. Robert Paquette, auteur, compositeur, interprète, originaire de la région de Sudbury, va nous faire « Va au puits » qui est tiré de son album « Prends celui qui passe ». Voici Robert Paquette. Je vais m'installer. Comment ça va, vous autres? Je suis fatigué. Comme tu vois, j'ai beaucoup voyagé. J'ai soif, je n'ai pas mangé. En passant, pourrais-tu me dire, est-ce vrai ou ai-je rêvé? Mais il me semble avoir des jours difficiles. Mais ne t'en fais pas, tout ça passera. Un pas en avant, un arrière. Quelle différence tu penses que ça peut bien faire? Vivre au jour le jour, ses raisons. Changer au rythme des saisons. En passant, pourrais-tu me dire, est-ce vrai ou ai-je rêvé? Mais il me semble avoir des jours difficiles. Mais ne t'en fais pas, tout ça passera. Ouvre tes bras, aime-toi par ici. Laisse la chandelle brûler. Installe-toi au fond de mon lit, car ce soir la pluie va tomber. Face à face avec toi-même, trop souvent, dans ta tête le diable est au vent. Mille et une questions à te poser, et le trajet ne fait que commencer. En passant, pourrais-tu me dire, est-ce vrai ou ai-je rêvé? Mais il me semble avoir des jours difficiles. Mais ne t'en fais pas, tout ça passera. Tes bras, aime-toi par ici. Laisse la chandelle brûler. Installe-toi au fond de mon lit, car ce soir la pluie va tomber. Car ce soir tout ça passera. Que je suis imparfait, ça ne m'empêche pas d'être vrai. Absent à la messe le dimanche, souvent je parle avec les anges, ils ont gardé ma confiance. Je suis peut-être dépassé par les robots, par la télé, Ça ne m'empêche pas d'être bon quand je vois un petit garçon ou une dame et son bâton. C'est vrai que je suis imparfait, je suis ce que l'humain a fait. Je ne suis pas Dieu ressuscité, je suis les faces et le papier. Il faut souvent recommencer. Bien sûr, j'ai ma divinité, je ne peux pas vous en parler. Elle est couchée à mes côtés. Les yeux fermés.